La tragédie de juin 1940, le 16 juin, à Bordeaux, le naufrage. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En ligne avec Éric Roussel. Bonjour à vous, Éric Roussel. Bonjour. Alors, j'ai emprunté le titre de l'émission au livre que vous avez publié chez Gallimard dans la collection Les Journées qui ont fait la France. Enfin, en la circonstance, le 16 juin, c'est une journée qui a défait la France. Et puis chez Gallimard, vous avez publié... qui a touché aussi la structure même de la France. Et vous avez aussi publié chez Gallimard un De Gaulle monumental dont on verra bientôt une édition de poche. Alors juste un rappel des faits pour nos auditeurs. Nous sommes en plein exode pour des millions de Français. Aucune route n'est plus praticable parmi les principales routes du moins, et à peine la caravane aborde-t-elle une oasis que déjà il n'est plus d'oasis. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui décrit ainsi l'exode. Et du départ du gouvernement de Paris, il dit ceci: une fois qu'un gouvernement a déménagé, il ne constitue plus un gouvernement, c'est comme un corps. Si vous commencez de le déménager, l'estomac là, le foie ici, les tripes ailleurs, eh ben cette collection ne constitue plus un organisme. Le séjour, heureusement passager, mais quand même trop long, du gouvernement dans les châteaux dispersés de la vallée de la Loire a fait perdre beaucoup de temps. Et le fait de passer à Bordeaux, ça va être l'affaire du 14 et du 15 juin, bah peut-être resserrer un peu les choses. Je voudrais que vous nous racontiez, à la lumière du journal que Roland de Margerie a tenu, c'est un collaborateur direct de Paul Reynaud, le voyage que celui-ci fait du château de Chissey, où il était replié, à la ville de Bordeaux. Éric Roussel. Oui, comme vous l'avez dit, Roland de Margerie était un collaborateur de Paul Reynaud et un collaborateur qui faisait partie, disons, de la, il y avait deux tendances au sein de l'entourage de Paul Reynaud, comme au sein du gouvernement, c'est-à-dire des gens qui étaient, pour certains, déjà acquis à l'idée de la... de demande d'armistice, et d'autres qui, au contraire, comme Margerie, étaient résolus à continuer le combat. Donc, ils quittent le château de Chissey, qui était la résidence très provisoire du président du Conseil, le 15 juin 40, et donc ils se rendent à Bordeaux, et là, évidemment, ils se heurtent à la... Enfin, ils rencontrent les routes de l'exode, les Français qui sont sur les routes, et dans un dénuement et un désarroi extrême. Et il y a une scène, me semble-t-il, assez étonnante. Il me semble qu'à un moment, et je cite ça de mémoire, ils sont arrêtés par par un certain nombre de gens qui les incitent, au contraire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à continuer le combat. Oui, c'est un passage à niveau dans un bourg, voilà, charentais, et puis il y a là des Parisiens et des Alsaciens. Lorrain, vous n'allez pas céder, monsieur le Président. C'est ce que dit Roland de Margerie dans la voiture à l'arrière pendant des heures à Paul Reynaud. Qu'est-ce qui reste d'ailleurs comme choix à Paul Reynaud? C'est la question qu'il pose à son collaborateur, Éric Roussel. En réalité, il faut peut-être rappeler quelque chose qui est très peu connu, c'est que le 26 mai, Paul Reynaud s'est rendu à Londres avec un certain nombre de ses collaborateurs. Ils ont rencontré Churchill, et là, très très clairement, et là le journal de Margerie est vraiment fait foi, très clairement, Paul Reynaud a évoqué la possibilité pour le gouvernement français de demander un armistice. Donc les Anglais ne sont pas complètement, si vous voulez, surpris de de ce qui se passe, parce qu'ils ont bien compris depuis un certain temps que la France était devenue le maillon faible de l'Union. Et à mesure que les jours passent, Reynaud est de plus en plus écartelé entre les deux tendances qu'il y a à la fois au sein de son gouvernement et au sein de son entourage, comme je l'ai dit, entre les partisans de l'armistice qui sont essentiellement menés au sein du gouvernement par le maréchal Pétain qui est devenu vice-président du Conseil, et par le généralissime, le général Weygand, qui a remplacé Gamelin, qui est lui aussi ardemment pour en faveur d'un armistice. Et puis un certain nombre aussi de collaborateurs de Paul Reynaud, dont alors Roland de Margerie lui fait partie plutôt des gens qui veulent continuer le combat, mais il y a malheureusement au sein de son entourage des gens qui sont beaucoup moins résolus. Il y a notamment un personnage qui est peu connu aujourd'hui, qui s'appelait le colonel de Villelume, qui a laissé un journal qui est d'ailleurs très intéressant sur l'état d'esprit justement de ces gens qui défendaient cette idée. Et donc le colonel de Villemume, il est qualifié de découragé et décourageant par Roland de Margerie, qui espère avoir convaincu le président du Conseil pendant ce fameux voyage de Chissey à Bordeaux qu'une solution possible, c'est d'aller en Afrique du Nord pour continuer le combat. Alors nous voici maintenant, Éric Roussel, à Bordeaux, où on s'installe, vaille que vaille. La femme du président de la République, Marguerite Lebrun, qui est à la préfecture, se plaint que le préfet soit célibataire, qu'il vive dans deux pièces, qu'il n'y ait même pas de vaisselle, qui n'est même pas de linge, mais elle essaye de mettre bon ordre à tout ça. Quant aux ministres, ils sont logés à la va comme je te pousse, d'autant que beaucoup de places dans les chambres sont réservées par les parlementaires, par les journalistes, le monde de Paris et le demi-monde de Paris. Un essai de reconstitution, nous sommes un petit matin, le 15 juin, dans un hôtel de Bordeaux, dans le film de Jean-Paul Rapneau. Bon voyage, Gérard Depardieu campe le rôle d'un ministre. Il est tard, Viviane. Il faut vous lever. J'ai pas dormi. Il y a tant de bruit dans cet hôtel. Oui, je sais, personne n'a dormi. Ils sont tous arrivés. Tout le gouvernement. Paul Reynaud est le président. J'ai passé la nuit entre ici et les préfectures. Pauvre Jean-Étienne. Il faut que j'y retourne. Vous irez plus tard. Allez dormir un peu. C'est le conseil des ministres. Trouvez une excuse. Envoyez un mot. J'ai vu les Deluces en bas. Ils sont là ? Ils n'ont pas trouvé de chambre, ils ont dormi dans leur voiture. Non, c'est pas vrai. Allez-vous. Leur voiture est juste devant. J'ai que les Deluces qui dorment dans la rue. Ça, il faudrait que je le raconte. Les Allemands sont en roulé lent. Déjà ? Prenez à gauche, Parisot. Nous sommes en retard, là, tout est bloqué. La compagne du ministre, c'est rien moins qu'Isabelle Adjani. La défaite est apparue ignoble à Bordeaux, grouillant dans les rues, palabrant aux terrasses, intriguant dans les antichambres, chacun se débrouillant aux dépens du voisin. Commentaire de Roland Dorgelès. Éric Roussel. Oui, c'est une scène, ce qu'on vient d'entendre, c'est une scène qui est très symptomatique de ce qui se passe à ce moment-là, et qui fait qu'on... C'est pas la première fois, finalement, que dans l'histoire que le gouvernement se rend à Bordeaux. C'était déjà arrivé, notamment en 1914, et dans des circonstances, semble-t-il, pendant l'été 14, avant la bataille de la Marne, et dans des circonstances, tout de même, dans un climat, en tout cas, différent. Là, on assiste vraiment et on le voit là, à travers ce que nous venons d'entendre, à l'effondrement d'un régime, on peut dire d'une société. On peut aussi rapprocher ça du livre d'Irène Némirovski. Irène Némirovski, dans son livre de... J'ai oublié le titre. Suite française. C'est ça ? Oui. Elle montre ça admirablement, ça, à travers ce roman. Alors, parmi ceux qui intriguent, il y a Pierre Laval. Pierre Laval, sénateur, écarté du pouvoir depuis 1935, qui... 36, un point sur lequel il n'a jamais changé, c'est le pacifisme, mais il avait le sentiment d'être disgracié, le voilà qui revient en justicier, et appuyé par le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, qui est un de ses amis, un beau garçon, un bon vivant, en accord avec sa ville plantureuse et vineuse. Avant d'être député et maire, il avait été un dentiste, satisfait de bien gagner sa vie et de plaire aux femmes. Ça, c'est le portrait du maire de Bordeaux, l'ami de Laval, par Emmanuel Berle. Éric Roussel, sur Laval. Oui, là. Laval et Marquet ont ceci en commun, que ce sont à l'origine deux hommes de gauche, ils ont été tous les deux socialistes. Marquet est devenu néo-socialiste, c'est-à-dire d'une tendance autoritaire, une dérive dont on a vu où elle menait pendant la guerre. Et Laval, lui, n'est pas passé par le néo-socialisme, mais il a dérivé au fond vers la droite, purement et simplement. Mais ce qui les relie, au-delà de leur origine, c'est un puissant pacifisme. C'est ça, et c'est un pacifisme qui reflète, il faut bien dire, une grande partie de celui de la société française. Il y a un pacifisme à la fois de droite, qui ignore complètement la spécificité du régime hitlérien, et un pacifisme de gauche, qui s'appuie tout simplement sur le souvenir de la guerre de 1914 et l'aspiration à la paix. Dans sa voiture avec Marjorie, Reynaud a posé des questions à son collaborateur. Mais alors, si on allait en Afrique du Nord, comment on va transporter les autorités? Quelles troupes va-t-on pouvoir transporter? Qu'est-ce qu'on va trouver en Afrique du Nord, à Bizerte, à Merzelkébir, à Casablanca? Ce sont des questions à poser à l'amiral Darlan, l'amiral de la flotte. L'amiral Darlan, le voici au temps de sa splendeur. On n'a pas de représentation de lui à Bordeaux, où il arrive, toutes affaires cessantes, en voiture depuis Brest. Mais là, il est dans une scène beaucoup plus tranquille. Dans la grande cour du ministère de la Marine, tous les officiers sont ce matin rassemblés en grande tenue, formant les trois côtés d'un quadrilatère dont le public occupe le quatrième. On va conférer à l'amiral Darlan, chef d'état-major général de la Marine, les insignes de grand croix de la Légion d'honneur. Cérémonie militaire sobre et digne. Il semble avoir tous ces marins en grande tenue que nous sommes en ce moment à la poupe d'un vaisseau de haut bord et que le vent qui agite les étamines des drapeaux n'est pas le vent de la place de la Concorde, mais bien le vent du large, celui qui siffle dans les hauts bancs du vaisseau amiral lorsqu'il affronte la houle de l'Atlantique. Dans le lointain, vous allez entendre la voix de l'amiral Docteur lorsqu'il décore au nom du président de la République le vice-amiral Darlan. Vice-amiral Darlan, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand croix de la Légion d'honneur. Eh bien, le 15 juin, au matin, en plus petite tenue, épuisé, tout essoufflé, Darlan pénètre dans le bureau provisoire de Paul Reynaud et il n'est pas du tout enthousiasmé par l'idée d'aller en Afrique du Nord. Paul Reynaud dira ensuite à Roland de Margerie, l'amiral, il n'est pas d'accord avec votre plan. C'est déjà plus le plan de Reynaud, c'est encore le plan de Margerie, cependant. Éric Roussel. Oui, Darlan est un personnage qu'on a du mal à cerner. Lui aussi il a des racines, on peut dire, républicaines. Il est le fils d'un ministre radical, qui a été, si mes souvenirs sont bons, même ministre garde des Sceaux. Et il est lié aux milieux radicaux. Il a mené une action très importante au sein de la marine. Il a été l'artisan, ça je crois que personne ne le nie, avec un ministre important, Georges Legge, du renouveau de la marine française avant 1940. Mais au fond, il a fait de cette marine sa chose, quoi. Il se comporte en féodal. Cette marine, de plus en plus, il considère qu'elle lui appartient. Et c'est son sort, finalement, qui lui importe de plus en plus, j'allais dire au détriment de celui de la France. Enfin, c'est devenu une sorte de corps étranger dont il se veut le gardien. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit sauvée puisqu'elle a été préservée. C'est ça qui compte. Oui, voilà, c'est ça. C'était son idée. Alors, dans cette période-là, il est hostile au départ pour l'Afrique du Nord. En même temps, si je puis dire, à un moment, il n'est pas tout de suite pour l'armistice. Il évolue assez vite. C'est un personnage assez, encore une fois, insaisissable, qui a des positions extrêmement pragmatiques. Et puis alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, qui explique aussi un peu la confusion autour de cette affaire de l'Afrique du Nord, c'est que l'hypothèse qui est l'hypothèse de travail du gouvernement, c'est d'abord, avant l'Afrique du Nord, c'est l'hypothèse du réduit breton. C'est ça, finalement, qui, pendant quelques jours, qui va paralyser un peu à la fois les énergies et les... et la réflexion. Ça a retardé la mise en œuvre d'un éventuel plan de transfert. Alors, vous parliez d'un cabinet Reynaud divisé, on peut même dire qu'il y a un contre-cabinet Pétain à l'intérieur du cabinet Reynaud. Mandel, ministre de l'Intérieur et partisan de la fermeté, comme le sous-secrétaire d'État, le nouveau venu Charles de Gaulle, qui d'ailleurs est envoyé en mission le 15 à Londres auprès de Churchill. Comment maintenir l'unité de Guingois dans un cabinet dont une moitié regarde dans une direction, l'armistice, et une autre dans la direction de la fermeté. Dominique Lecas, c'est un autre grand collaborateur de Paul Reynaud, a lui aussi, comme Marjorie, publié ses mémoires. Le voici qui analyse la position contradictoire, peut-être oscillatoire, de son patron à ce moment-là, au micro de Jacques Chancel. Quels sont les reproches que vous pouvez adresser à Paul Reynaud ? Je vous pose la question, est-ce que c'est un reproche de lui dire qu'il a été trop respectueux de la Constitution ? Et est-ce que c'est un vrai reproche ? Je ne sais pas, mais pratiquement son état d'esprit à Bordeaux, c'était de considérer que la République, car il était un homme de droite républicain, profondément républicain, la République en l'absence du Parlement, qui naturellement était volatilisé, était représentée sur place par quatre hommes. Lui-même, bien sûr, Lebrun, qui était président de la République, et puis les deux présidents des assemblées, M. Jeannet et M. Herriot. Eh bien, il voulait que ces quatre hommes soient d'accord sur toute décision importante. C'était normal. C'était un souci de respect de la République d'abord, de la Constitution ensuite. Et c'était également une nécessité pratique parce que l'armée était visiblement, alors à ce moment-là, partisan de cesser le combat immédiatement et le plus tôt possible, parce que l'armée sentait qu'elle était battue et elle n'avait de cesse que le combat soit arrêté de manière à pouvoir rétablir l'ordre. À ce moment-là, pour partir en Afrique du Nord, Paul Reynaud disait « Je veux avoir absolument l'accord de M. Herriot, de M. Jeannet et de M. Lebrun. » Le seul reproche que je puis lui adresser, c'est celui-là, de ne pas partir. C'est de ne pas partir tout seul. Mais s'il était parti tout seul, il aurait été comme Louis XVI à Sainte-Menehould, arrêté. C'était la France qui partait. Et s'il avait réussi à partir, il aurait été le fuyard par excellence. Par conséquent, il y avait de quoi réfléchir. Je crois que c'est là la source de sa faiblesse. C'est un excès de respect, un excès de scrupule pour une constitution. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il faut reprocher à un homme d'État de respecter scrupuleusement la constitution ? La vérité, c'est que la constitution était mal fichue. Il y a un livre qu'il faut lire avec ceux de notre invité Éric Roussel sur cette période, c'est celui d'Emmanuel Berle, qui connaissait très bien Paul Reynaud pour déjeuner avant la guerre une fois par semaine avec lui et qui avait été frappé de son attitude non conformiste, de sa pensée en certains domaines quasi-révolutionnaire, bien que ce soit un homme de droite. Mais ça aboutit, dit Emmanuel Berle, dans ces circonstances tragiques de Bordeaux, à un comportement académique chez lui, le grand bourgeois, en fin de compte, l'emporte. Éric Roussel. Non-conformiste, comportement académique, reste très respectueux des conventions parlementaires alors que le Parlement ne peut pas siéger. Oui, mais enfin, il y a une chose qui... je voulais revenir aussi sur ce que disait Lecas, qui me paraît très intéressant. Il y a simplement une chose qu'il faut souligner, ce sont les circonstances aussi dans lesquelles Paul Reynaud est arrivé au pouvoir. Donc il est arrivé, il a pris la suite de Daladier au mois de mars 1940, dans une atmosphère déjà lourde. C'était donc avant le début de l'offensive allemande du 10 mai. Et lors du vote d'investiture de ce gouvernement, il l'a emporté, mais vraiment de justesse. Et encore, on ne le sait, c'est pas absolument certain. Le président de la Chambre, Édouard Herriot, a déclaré qu'il n'avait pas vraiment compté les voix, qu'il n'était pas sûr vraiment que Paul Reynaud ait obtenu la majorité. Donc, indépendamment, si vous voulez, du respect qui était incontestable qu'avait Reynaud pour les règles parlementaires, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était très très attaché, il était très attaché au régime en fait de la Troisième République, tel qu'il l'a prouvé après. Enfin, ça c'est une autre affaire. Et, il est certain certains qui ressentaient, qui savaient qu'il était arrivé au pouvoir dans des conditions très très difficiles et que sa majorité était très très faible. Donc, ça, si vous voulez, ça a accentué sa tendance naturelle à respecter les règles constitutionnelles, ça c'est sûr. Alors à Bordeaux, le 16 juin... Emmanuel Baird ajoute une note, oui, c'est, bon, il y a peut-être aussi le milieu, mais enfin, faut pas oublier non plus que Baird, son livre est absolument passionnant, mais enfin, Baird était foncièrement pacifiste, et il le fait un peu oublier dans dans ce livre, qui par ailleurs est plein, vous avez raison, de portraits très, très, très intéressants. Nous arrivons à Éric Roussel au matin du 16 juin, premier conseil des ministres. Alexander Wirth voit sortir les ministres, c'est le correspondant du Guardian qui a été déplacé à Bordeaux, et il comprend que la poursuite de la lutte en Afrique du Nord n'est pas la piste privilégiée. Chautant, le vice-président du Conseil, lui dit on va plutôt dans l'autre sens. Mais, en début d'après-midi, souvenez-vous, le général de Gaulle est auprès de Churchill à Londres, et il téléphone depuis Londres à Bordeaux, à Paul Reynaud, et il lui explique, il se passe quelque chose d'absolument exceptionnel, suspendez tout, et réunissez de nouveau les ministres, parce que le Premier ministre britannique, en accord avec les Français qui sont auprès de lui, a une proposition inouïe à faire, une proposition d'union de la France et de l'Angleterre. C'est une reconstitution d'Yves-André Hubert d'après les mémoires de guerre de De Gaulle. Monsieur le Premier ministre, nous souhaiterions poursuivre cet entretien concernant l'union des deux peuples. Après quelques discussions, le Premier ministre convoqua sur le champ le cabinet britannique et se rendit à Downing Street pour en présider la réunion. Je l'y accompagnai, et tandis que les ministres délibéraient, me tins avec l'ambassadeur de France dans un bureau attenant à la salle de conseil. Entre-temps, j'avais téléphoné à M. Paul Reynaud pour l'avertir que j'espérais lui adresser avant la fin de l'après-midi et d'accord avec le gouvernement anglais une très importante communication. Il me répondit qu'en conséquence, il remettait à 17h la réunion du Conseil des ministres. Mais ajouta-t-il, je ne pourrais différer davantage. La séance du cabinet britannique dura 2 heures. Soudain, tous entrèrent. M. Churchill à leur tête. Nous sommes d'accord. J'appelai aussitôt par téléphone M. Paul Reynaud et lui dictai le document. C'est très important, dit le président du Conseil. Je vais utiliser cela à la séance de tout à l'heure. En quelques mots, je lui adressais tout ce que je pus d'encouragement. Très important, incroyable même, parce que Reynaud a pu faire des reproches sur l'engagement des Britanniques sur le front et dans le ciel. Mais là, il renverse la table et il dit même, il fait dire à Paul Reynaud, c'est vous qui serez le chef du gouvernement commun franco-britannique, Éric Roussel. Oui. Lui dit De Gaulle, d'ailleurs, au téléphone. Ouais. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Alors, pour revenir une seconde sur ce projet d'union franco-britannique, qui est un épisode très, très peu connu, finalement, très peu étudié. En réalité, c'est un projet qui est essentiellement d'origine anglaise. Comme je le disais tout à l'heure, les Britanniques, avant même l'offensive du 10 mai, sentaient bien que la France était le maillon faible de l'Union et qu'il pouvait se passer une défection. Et donc, on voit ça dans les archives anglaises. Il y a un dossier qui s'appelle le dossier sur une certaine éventualité. La certaine éventualité, c'est la chute de la France. Et les Anglais imaginent un scénario qui permettrait de montrer, et notamment à destination des Allemands, la solidarité profonde des deux nations. Et c'est dans ces conditions donc qu'est élaboré ce projet d'union franco-britannique. C'est élaboré dans les milieux de Chatham House, c'est-à-dire, enfin, c'est l'équivalent de Chatham House, c'est l'équivalent de l'IFRI en France aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gens. C'est une œuvre un peu collective. Mais dans laquelle le grand économiste Keynes prend une part assez importante. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai écrit aussi un livre sur Jean Monnet. Dans les archives de Jean Monnet se trouve une note de Keynes qui préfigure au fond ce projet d'union franco-britannique. Alors c'est Jean Monnet qui était à Londres, qui était à la tête d'une mission d'achat franco-britannique, qui qui fait le, qui a proposé formellement ce projet, qui était encore une fois une œuvre un peu collective. Mais le plus extraordinaire, c'est que il l'a proposé à Churchill et à De Gaulle, dont tout le, enfin dont le passé, la formation intellectuelle aurait dû, enfin laisser supposer qu'ils allaient se rebeller contre cette idée qui était tellement contraire à l'idée qui se faisait de leur pays. Or tous les deux, dans la confusion, dans le désarroi de cette journée du 16 juin 1940, au contraire, ont approuvé cette idée. Ils ont essayé de la faire adopter par Reynaud et par le gouvernement français, mais sans illusion. Le gouvernement français, Éric Roussel, s'intéresse peu au sujet, très brièvement, et Chautant, le vice-président du Conseil, dit « Nous ne voulons pas être un dominion de l'Empire britannique », c'est-à-dire que Reynaud a constaté que le nouveau visage du pacifisme, de ce qu'il appelle le défaitisme, c'est l'anglophobie. Et Reynaud va démissionner dans la soirée, espérant que Pétain, qui est le seul à pouvoir prendre sa place, une fois qu'il aura demandé l'armistice, se verra opposer par Hitler des conditions inacceptables. Reynaud, il espère encore revenir. Il est KO debout, mais il rêve debout. Le général de Gaulle rentre, lui, de Bordeaux, de Londres. Il atterrit à Mérignac. Voici ce qu'il écrit. Et c'est le 16 juin au soir dans les mémoires. Je pris congé du Premier ministre. Il me prêtait un avion pour rentrer tout de suite à Bordeaux. Nous convînmes que l'appareil resterait à ma disposition en prévision d'événements qui m'amèneraient à revenir. À 21h30, j'atterrissais à Bordeaux. Les colonels Humbert et Auburtin de mon cabinet m'attendaient à l'aérodrome. Ils m'apprenaient que le président du Conseil avait donné sa démission et que le président Lebrun avait chargé le maréchal Pétain de former le gouvernement. C'était la capitulation certaine. J'allais voir M. Paul Reynaud. Je le trouvais sans illusion sur ce que devait entraîner l'avènement du maréchal, et d'autre part, comme soulagé d'un fardeau insupportable. Il me donna l'impression d'un homme arrivé à la limite de l'espérance. Juste un mot, Éric Roussel, nous sommes au terme de cette journée décisive du 16 juin. Reynaud soulagé. Je ne l'ai jamais vu aussi gai, dit Marjorie. Tous les témoins de cette soirée disent la même chose. Ils se trouvaient devant un homme qui était libéré d'un fardeau et qui faisait le même calcul. C'est-à-dire que Reynaud était, comme je le disais tout à l'heure, un homme qui était profondément imprégné du parlementarisme de la Troisième République. Et dans son idée, il fallait, au fond, pour employer le vocabulaire de l'époque, lever l'hypothèque Pétain, c'est-à-dire permettre à Pétain de former un gouvernement, de demander l'armistice, comme il en avait exprimé l'idée. Et Reynaud pensait que les conditions d'armistice fixées par Hitler seraient tellement inacceptables que cela provoquerait son retour, le retour d'un gouvernement voilà. Reynaud. Mais alors, je vous arrête là. Je vous arrête là, Éric Roussel. Uniquement parlementaire, si vous voulez. Je vous arrête là, Emmanuel Berle conclut en disant il ne savait pas qu'Hitler, c'était Jean Giscan. Et en plus des livres de Berle, ben, je rappelle les vôtres. Le général de Gaulle, chez Gallimard. Le naufrage, le 16 juin 40, c'est chez Gallimard aussi. Juliette Gou, Audrey Ripouille, Hélène Kouyoum-Jean, Mathias Alléon et à distance toute l'équipe des recherchistes de La Marche de l'Histoire.